c'est pour tous ces petits faux culs, Sarkozy et W, c'est pour toutes ces petites putes, Nadine et puis Marine, c'est pour Fogiel et les Sevrans à tout CSS allemand, c'est pour l'État d'Israël et ses rigains trop puants, c'est pour ton drapeau de guerre, colonisateur d'Afrique, c'est pour l'ONU et sa clique, cette triste pompe à frites, c'est pour toutes les gardaves, pour un spliff que tu bédaves, pour l'État qui nous entrave et les mensonges dans les caves, c'est pour l'Élysée mafieux, la pyramide et puis son œil, c'est pour les mythos du 20h et puis Zemmour et son orgueil, c'est pour ces politicos, tous ces stars et comicos, et puis qui veulent toujours la paix, un coup de matraque dans les yeux, c'est pour Napoléon, l'Occident et ses nations, c'est pour tous ces fils de putain et qui du crime sont les parrains, c'est pour les Illuminati, les sionistes et les nazis, l'auto et les paris, la thune et son mari, fire, fire, fire pour les soldats, les hommes de main de Babylone, à tous ces politiciens qui se prennent pour des bonhommes, à tous ces chefs d'État qui cherchent à t'imposer leur loi, pour ces gens-là c'est fire, fire, fire, fire pour les soldats, les hommes de main de Babylone, à tous ces politiciens qui se prennent pour des bonhommes, à tous ces chefs d'État qui cherchent à t'imposer leur loi, pour ces gens-là c'est fire, fire, fire.